En Corée du Sud, selon Yonhap News, les Coréens aux États-Unis continuent le 2 novembre la manifestation devant le consulat général sud-coréen à Los Angeles pour la démission de Bakounet. À Washington aussi a été livrée le même jour la manifestation des Coréens aux États-Unis. Les formations des Coréens aux États-Unis ont déclaré tenir des rassemblements d'envergure partout aux États-Unis en signe de solidarité avec la lutte pour la mobilisation générale des masses populaires du 12 novembre en Corée du Sud. Par ailleurs, à Toronto, les Coréens au Canada ont tenu le 29 octobre un meeting pour dénoncer la monopolisation des affaires d'État par Bakounet et exiger sa démission. D'autre part, le 1er novembre, les étudiants sud-coréens aux États-Unis et en Australie ont organisé la manifestation qui dénonce le scandale de Bakounet et de Chosun-sil et publié un manifeste.